Et donc, rebonjour ou rebonsoir, si vous avez déjà écouté la première partie de l'enregistrement d'aujourd'hui, en ce 29 mai 2017, journée commémorative de la naissance de Louise Michel, en 1830. Et pour cette partie de lecture, je vous propose de lire les mémoires de Louise Michel. Je ne vais pas tout lire d'un coup, il y a 500 pages quand même. Mais on va au moins lire la première partie aujourd'hui et peut-être que je lirai la suite ou pas. En tous les cas, vous aurez le lien vers ses mémoires dans la description de cet enregistrement sur le site archive.org. Voici donc les mémoires de Louise Michel, première partie. Souvent, on m'a demandé d'écrire mes mémoires. Mais toujours j'éprouvais à parler de moi une répugnance pareille à celle qu'on éprouve, ou celle qu'on éprouverait, à se déshabiller en public. Aujourd'hui, malgré ce sentiment puéril et bizarre, je me résigne à réunir quelques souvenirs. Je tâcherai qu'ils ne soient pas trop imprégnés de tristesse. Marie Ferré, mon amie bien-aimée, avait rassemblé déjà des fragments, que ses épaves portent son nom. Il est aussi celui de ma chère et bonne mère. Mon existence se compose en deux parties, bien distinctes. Elles forment un contraste complet. La première, toute de songes et d'études. La seconde, toute d'événements. Comme si les aspirations de la période de calme avaient pris vie dans la période de lutte. Je mêlerai le moins possible à ce récit les noms des personnes perdues de vue depuis longtemps, afin de ne pas leur causer la désagréable surprise d'être accusés de connivence avec des révolutionnaires. Qui sait si certaines gens ne leur feraient point un crime de m'avoir connu et s'ils ne seraient pas traités d'anarchistes sans savoir précisément ce que c'est. Ma vie est pleine de souvenirs poignants. Je les raconterai souvent au hasard de l'impression. Si je prends pour ma pensée et ma plume le droit de vagabondage, on conviendra que je l'ai bien payé. J'avoue qu'il y aura du sentiment. Nous autres, femmes, nous n'avons pas la prétention d'arracher le cœur de nos poitrines. Nous trouvons l'être humain, j'allais dire la bête humaine, assez incomplet comme ça. Nous préférons souffrir et vivre par le sentiment aussi bien que par l'intelligence. S'il se glisse dans ces pages un peu d'amertume, il n'en tombera jamais de venin. Je hais le moule maudit dans lequel nous jettent les erreurs et les préjugés séculaires. Mais je crois peu à la responsabilité. Ce n'est pas la faute de la race humaine si on la pétrit d'éternel. Pardon, ce n'est pas la faute de la race humaine si on la pétrit éternellement d'après un type si misérable et si, comme la bête, nous nous consumons dans la lutte pour l'existence. Quand toutes les forces se tourneront contre les obstacles qui entravent l'humanité, elle passera à travers la tourmente. Notre bataille, dans notre bataille incessante, l'être n'est pas et ne peut pas être libre. Nous sommes sur le radeau de la Méduse. Encore veut-on laisser libre la sinistre épave à l'ancre au milieu des brisants. On agit en naufragé. Quand donc, ô noir radeau, coupera-t-on la mare en chantant la légende nouvelle? Je songeais à cela sur la Virginie, tandis que les matelots levaient l'ancre en chantant des bardées d'amour. Le rythme, le son, multipliaient les forces. Le câble s'enroulait. Les hommes suaient. De sourds craquements s'échappaient du navire et des poitrines. Nous aussi, notre navire, pareil à celui du vieux Bardi des mers, est petit et la mer est grande. Mais nous savons la légende des pirates. « Tourne ta proue au vent, » disaient les rois des mers. « Toutes les côtes sont à nous. » Je me rappelle que j'écris mes mémoires, il me faut donc en venir à parler de moi. Je le ferai hardiment et franchement, pour tous ceux qui me regardent personnellement, en laissant à ceux qui m'ont élevé, dans la vieille ruine de Vroncourt, en Haute-Marne où je suis né, cette ombre qu'ils aimaient. Les conseils de guerre de 1871, en fouillant minutieusement jusqu'au fond de mon berceau, les ont respectés. Ce n'est pas moi qui troublerai le repos de leurs cendres. La mousse a effacé leur nom sur les dalles du cimetière. Le vieux château a été renversé. Mais je revois encore le nid de mon enfance et ceux qui m'ont élevé en se penchant souvent sur moi. On les verra souvent aussi dans ce livre. Hélas, du souvenir des morts, de la pensée qui fuit, de l'heure qui passe, il ne reste rien. Rien que le devoir à remplir et la vie à mener rudement afin qu'elle s'épuise plus vite. Mais pourquoi s'attendrir sur soi-même, au milieu des générales douleurs? Pourquoi s'arrêter sur une goutte d'eau? Regardons l'océan. J'ai voulu que mes trois jugements accompagnassent mes mémoires. Pour nous, tout jugement est un abordage où flotte le pavillon. Qu'il recouvre, qu'il couvre mon livre comme il a couvert ma vie, comme il flottera sur mon cercueil. Je les extrais de la Gazette des Tribunaux, qu'on ne peut suspecter de nous être trop favorables. À part le second qui, étant en police de correctionnel seulement, n'a pas été relaté. J'ajouterai, pour la foule, la grande foule, mes amours, des observations que je n'ai pas cru devoir faire aux juges. On les trouvera ainsi que les jugements à la fin du volume. Le nid de mon enfance avait 4 tours carrées, de la même hauteur que le corps de bâtiment, avec des toits en forme de clocher. Le côté sud, absolument sans fenêtre, et les meurtrières des tours lui donnaient un air de mausolée ou de forteresse suivant le point de vue. Autrefois, on l'appelait la maison forte. Au temps où nous l'habitions, je l'ai souvent entendu nommer le tombeau. Cette vaste ruine, où le champ soufflait comme dans un navire, avait, au levant, la côte des vignes et le village, dont il était séparé par la route, de gazon large comme un pré. Au bout de ce chemin qu'on appelait la routotte, le ruisseau descendait l'unique rue du village. Il était gros l'hiver, on y plaçait des pierres pour traverser. À l'est, le rideau des peupliers où le vent murmurait si doux, et les montagnes bleues de Bourmont. Lorsque je vis Sydney environnée de sommets bleuâtres, j'y ai reconnu avec un agrandissement les crêtes de montagne qui dominent le commun. À l'ouest, les côtes et le bois de Suzerain, d'où les loups, au temps des grandes neiges, entrant par les brèches du mur, venaient hurler dans la cour. Les chiens leur répondaient, furieux, et ce concert durait jusqu'au matin. Il allait bien à la ruine, et j'aimais ces nuits-là. Je les aimais surtout quand la bise soufflait fort, et que nous lisions, bien tard, la famille réunie dans la grande salle, la mise en scène de l'hiver et des hautes chambres froides, le linceul blanc de la neige, les cœurs du vent, des loups, des chiens, eussent suffi pour me rendre un peu poète, lors même que nous ne l'eussions pas tous été dès le berceau. C'était un héritage qui a sa légende. Il faisait un froid glacial dans ces salles énormes. Nous nous grimpions près du feu, mon grand-père dans son fauteuil, entre son lit et un tas de fusils de tous les âges. Il était vêtu d'une grande houppelande de flanelle blanche, chaussée de sabots garnis de pantoufles en peau de mouton. Sur ces sabots-là, j'étais souvent assise, me blottissant presque dans la cendre avec les chiens et les chats. Il y avait une grande chienne d'Espagne, aux poils longs, jaunes, et deux autres de la race des chiens de berger, répondant toutes trois au nom de Presta. Un chien noir et blanc qu'on appelait Médor, et une toute jeune qu'on avait nommée Labiche, en souvenir d'une vieille jument qui venait de mourir. On avait pleuré Labiche. Mon grand-père et moi lui avions enveloppé la tête d'une nappe blanche pour que la terre n'y touchât pas, au fond du grand trou où elle fut enterrée près de l'acacia du bastion. Les chattes s'appelaient toutes Galta. Les tigrés et les rousses. Les chats se nommaient tous Lion ou Raton. Il y en avait des légions. Parfois, au bout de la pincette, mon grand-père leur montrait un charbon allumé. Alors toute la bande fuyait pour revenir l'instant d'après à l'assaut du foyer. Autour de la table étaient ma mère, ma tante, mes grands-mères, l'une lisant tout haut, les autres tricotant ou cousant. J'ai ici la corbeille dans laquelle ma mère mettait ses fils pour travailler. Souvent, des amis venaient veiller avec nous, quand Bertrand était là. Ou le vieil instituteur d'Ozières, Monsieur Laumont, le petit. La veillée se prolongeait. On voulait m'envoyer coucher pour achever les chapitres qu'on ne lisait pas complètement devant moi. Dans ces occasions-là, tantôt je refusais obstinément, et presque toujours je gagnais mon procès. Tantôt, pressé d'entendre ce que l'on voulait me cacher, je m'exécutais avec empressement et je restais derrière la porte au lieu d'aller dans mon lit. L'été, la ruine s'emplissait d'oiseaux, entrant par les fenêtres. Les hirondelles venaient reprendre leur nid. Les moineaux frappaient aux vitres et des alouettes privées s'égosillaient bravement avec nous, se taisant quand on passait en mode mineur. Les oiseaux n'étaient pas les seuls commensaux. Des chiens et des chats. Il y eut des perdrix, une tortue, un chevreuil, des sangliers, un loup, des chouettes, des chauves-souris, des nichées de lièvres orphelins élevés à la cuillère, toute une ménagerie, sans oublier le poulain Zéphyr et son aïeul Brusca, dont on ne comptait plus l'âge et qui rentrait de plein pied dans les salles pour prendre du pain ou du sucre dans les mains de qui lui plaisait et montrer aux gens qui ne lui convenaient pas ses grandes dents jaunes, comme si elle leur eût ri au nez. La vieille biche avait une habitude assez drôle. Si je tenais un bouquet, elle se l'offrait et me passait sa langue sur le visage. Et les vaches ? La grande blanche Bionnet, les deux jeunes Bella et Nera, avec qui j'allais causer dans l'étable, et qui me répondaient de leur manière en me regardant de leurs yeux rêveurs. Toutes ces bêtes vivaient en bonne intelligence. Les chats couchés en rond suivaient négligemment du regard les oiseaux, les perdrix, les cailles trottinaient à terre. Derrière la tapisserie verte, une toute trouée, qui couvrait les murs, circulaient les souris, avec des petits cris rapides mais non effrayés. Jamais je ne vis un chat se déranger pour les troubler dans leur pérégrination. De reste, les souris se conduisaient parfaitement, ne rongeant jamais les cahiers ni les livres, n'ayant jamais mis la dent au violon, guitare, violoncelle qui traînaient partout. Quelle paix dans cette demeure et dans ma vie à cette époque. Je n'en valais pas mieux, il est vrai. Étudiant par rage, mais trouvant toujours le temps de faire des malices aux vilaines gens, je leur faisais une rude guerre. Peut-être n'avais-je pas tort. À chaque événement dans la famille, ma grand-mère, en écrivant la relation sous forme de vers, dans de recueils de gros papiers cartonnés en rouge, que j'ai à sa mort enfermé dans un crêpe de noir. Le grand-père y avait ajouté quelques pages, et moi-même, encore enfant, j'osais y commencer une histoire universelle, parce que celle de Bossuet, à Monseigneur le Dauphin, m'ennuyait, et que mon cousin Jules avait remporté auprès des vacances l'histoire générale de son collège. Je compulsais, comme je pouvais, les faits principaux. Voyant depuis longtemps la supériorité des cours adoptés dans les collèges sur ceux qui composaient encore l'éducation des filles de province, j'ai eu bien des années après l'occasion de vérifier la différence d'intérêt et le résultat entre deux cours faits sur la même partie, l'un pour les dames et l'autre pour le sexe fort. J'y allais en homme, et je pus me convaincre que je ne me trompais pas. On nous débite un tas de niaiseries. appuyé de raisonnement de la palisse. Tandis qu'on essaye d'ingurgiter à nos seigneurs et maîtres des boulettes de science, à leur crever le jabot. Hélas, c'est encore une drôle d'instruction malgré cela. Et ceux qui seront à notre place dans quelques centaines d'années feront joliment litière, même de celle des hommes. Il devait se trouver de fameuses âneries dans mon travail. J'avais consulté assez de livres, infaillibles pour cela, mais on ne me donna pas quelques volumes de Voltaire, et je plantai là mon œuvre inachevée avec le grand poème sur le Cona, dont M. Laumont, le grand, avait cru me désenchanter en me racontant, sur la montagne de Bourmont, assez de légendes burlesques pour faire rire toutes les pierres de la Haute-Marne. Jadis, là, dans un ermitage, vécut pendant longtemps un malandrin, saint homme pendant le jour, détrousseur de voyageurs pendant la nuit, à qui les braves gens du pays payaient en chair, lit, des prières pour les délivrer du peu âbre qui courait dans les bois et la plaine sitôt le lever de la lune. Et sitôt le lever de la lune se retirait le saint homme dans sa solitude, car le peu âbre, c'était lui. Ce qui m'empêcha de terminer le fameux poème du coma, c'est une dent de mammouth, dont ce même M. Laumont, le grand, autrement dit le docteur Laumont, parlait avec enthousiasme. Je quittai la poésie pour établir au sommet de la tour du Nord une logette pleine de tout ce qui pouvait passer pour des trouvailles géologiques. J'y joignis des squelettes tout modernes de chiens, de chats, de crânes de chevaux trouvés dans les champs, des creusets, un fourneau, un trépied, et le diable, s'il existait, serait tout ce que j'ai essayé là. Alchimie, astrologie, évocation, toute la légende y passa, depuis Nicolas Flamel jusqu'à Faust. J'avais lu mon luth, un horrible instrument que j'avais fait moi-même avec une planchette de sapin et de vieilles cordes de guitare. Il est vrai que je le raccommodais avec des neuves. C'est cet instrument barbare dont je parlais pompeusement à Victor Hugo dans les vers que je lui adressais. Il n'a jamais su que c'est ce que il n'a jamais su ce que c'était que ce luth du poète, cette lyre dont je lui envoyais les plus doux accords. J'avais dans ma tourelle une magnifique chouette aux yeux phosphorescents, que j'appelais Olympe, et des chauves-souris délicieuses, buvant du lait comme des petits chats, et pour lesquelles j'avais démonté les grilles du grand vent, leur sécurité exigeant qu'elles fussent en cage pendant le jour. Ma mère, moitié grondant, moitié riant, m'entendit pendant quelques jours chanter sur mon luth la Grilla Rapita, qu'elle a depuis conservée avec un vieux papier qui avait porté le titre de Chant de l'aube. Voici cette chanson. La Grilla Rapita. Ah, quelle horrible fille! Elle a brisé la grille. Du grand vent pour le grain, et l'on vanne demain. Elle en fait une cage de nocturnes présages pour ses chauves-souris. Cela n'est pas permis. Mais partout je la cherche, sans doute elle se perche, dans son trou au grenier, allons la corriger. Ah, c'est bien autre chose, voici le pot aux roses, un fourneau, des creusets, tout cela sent mauvais. Appelons sa grand-mère, appelons son grand-père, il faut bien en finir, mais comment la punir? J'ignore avec quel vers rimait le refrain, quelques années encore, et j'allais, mes grands-parents étant morts, quitter ma calme retraite. La vieille ruine ne garda pas longtemps les adieux que j'avais inscrits au mur de la tourelle. Il n'en reste pas une pierre. Adieu à ma tourelle. Adieu dans le manoir, ma rêveuse retraite. Adieu ma haute tour ouverte à tous les vents. Il reste à tes vieux murs la mousse de leurs crêtes, et moi, frêle rameau brisé par la tempête, je suivrai loin de toi les rapides courants. Tu reverras sans moi venir les hirondelles, qui dans les jours d'été chantent aux abords des toits. Mais, si je devais errer fugitive comme elles, ne manquera-t-il rien, dis-moi, sous les tourelles, quand leurs tristes échos ne diront plus ma voix ? Voilà, je vais cesser la lecture des mémoires de Louise Michel. En fait, je pourrais continuer super longtemps, mais ça fait déjà un petit moment. Et du coup, je reprendrai sans doute un autre jour. Toujours est-il que dans la description de cet enregistrement sur archive.org, sur le compte de Caracol, vous trouverez du coup un petit dossier Louise Michel où il y aura un peu tout ça qui arrivera au fur et à mesure, je pense. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de nuit, ou surtout, je vous souhaite une très belle vie et de ne jamais, jamais lâcher comme l'a fait Louise Michel. Elle n'a jamais lâché. À bientôt !